donnerai pas ma confiance. Même si tu prêches la parole, je crée haut. Je me méfie des gens comme toi, j'oublie pas que l'avocat a la couleur de l'eau. Ça fait des années que j'attends ça. Maintenant c'est moi contre vous tous. J'ai besoin que d'une photo. Et je te fais du mal en Bluetooth. Règlement de compte dans un bar. La serveuse a donné le go. Une balle, deux balles, trois balles. Oh blin. Dis-moi qui va me hagal. Je l'invite à niquer sa darse. C'est vrai que je n'ai plus de cœur. Hey, je suis un enfant de la tasse. Je sais que tu m'aimes pas depuis peu. C'est pas grave, t'en veux pas montrer cher. Tu te manques là, c'est plus pareil. Une calage, ça coûte pas très cher. La dernière fois que j'ai souffert, c'est quand papa m'a dit je pars. Quand papa m'a dit je pars, il m'a dit faut, je ne veux pas que tu pleures. Et je me suis armé au cas où. Je me suis préparé au chaos. J'ai volé la voix à Garou. Et maintenant tu vas te faire hagan par chaos. Frère, moi je suis pas comme toi. Je me prendrai jamais pour un autre. J'ai peut-être vécu comme un chien, mais je veux mourir comme un homme. Je préfère mourir d'une balle que dans un lit d'hôpital. Frère, tu mérites une médaille de la plus grosse des pédales. Cette année je me taille au deux blés. J'ai de la famille à Tizi. J'ai de la famille à Tizi. Deux, trois usines pour les traumatiser. Non, j'oublie pas qui je suis. Avant qu'on s'en m'appelait fouette. Je suis un enfant du désert, je suis un désert, je ne peux pas me soumettre. Personne ne voulait m'aider, Zaka m'a tendu la main. Pour effacer mes péchés, faudrait que je parte 300 fois à la main. J'ai des comptes à régler avec eux, je t'aime pas, je te laisse pas les 22. Je te menace, je te cherche à 20h, je te retrouve et je t'allume à 22. Un tracker, et je sais où t'étais, ton équipe ne pourra pas t'aider. N'oublie pas gros ce que t'étais, je les pèse sur la tombe à jeter. Fidèle à ma bien-aimée. Quand j'étais seul dans la street, c'est pas mes potes mais c'est elle qui m'aidait. Des tonnes de péché au compteur. Je lèverai mon doigt au vendeur. Je lèverai mon doigt pour chez elle. Tu verras ma tête au 20h. Corps,